Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire « La politique étrangère » de Richard Nixon. Richard Nixon se trouve arrivé à la Maison-Blanche à un moment où le temps de la paix est venu. Et je crois que c'est pour cela qu'on peut le présenter comme le président de la paix, parce qu'il sera le président sous lequel la paix au Vietnam se fera, parce que cette paix est appelée par le principal jeu des forces en présence, par l'évolution des événements, par le cours de la guerre et par les intentions de l'ensemble des milieux dirigeants américains et de l'ensemble des milieux dirigeants vietnamiens appuyés par les soviétiques. S'il est vrai que Richard Nixon est le président qui va sortir les Américains du bourbier vietnamien, Jean Lacouture a aussi raison de situer cette paix américano-vietnamienne dans un contexte plus large. C'est d'ailleurs ce même contexte de guerre froide où s'affrontent trois joueurs importants, les États-Unis, l'URSS et la Chine de Mao, qui constituera la toile de fond de la politique étrangère de Richard Nixon et qui conduira à terme à un rapprochement des Américains avec les Soviétiques et les Chinois. Il y avait le bon et le mauvais, parce qu'il y avait toujours deux Nixon, il y avait le bon Nixon et le mauvais Nixon. C'était toujours le même qui a été déchiré par deux tendances dans sa vie. Et c'est finalement le mauvais Nixon qui a triomphé dans la vie de Nixon et dans sa présidence. Je pense que dans les affaires étrangères, il a été un président qui va être vu comme un président qui a accompli beaucoup. Je pense que l'idée de la détente avec l'Union soviétique était fondamentale et nécessaire, que l'ouverture à la Chine était fondamentale et nécessaire, que la politique du Moyen-Orient était quelque chose qui était absolument nécessaire, qui était bien conduit pour lui par Kissinger. Mais il y avait toujours l'autre côté, le côté sinistre de Nixon. Et dans l'année où il gagnait l'élection facilement, pourquoi il a décidé que c'était nécessaire de faire quelque chose aussi bête? Ça, c'est une question qu'on ne va jamais savoir la réponse. Extrait de l'émission USA, 30 ans d'histoire, l'année et le triomphe de Richard Nixon, diffusé à notre antenne en 1976. C'est le journaliste et conseiller politique Pierre Salinger que vous entendiez décrire brièvement le bilan de Richard Nixon en matière de politique étrangère. Dans cet extrait, Pierre Salinger évoque également le côté sinistre de Nixon, le mauvais Nixon, comme il dit. Évidemment, ce Nixon dont parle Salinger, c'est celui qui sera emporté par le scandale du Watergate. Pour nous parler de l'héritage de Richard Nixon en matière de politique étrangère, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. On a déjà consacré à Karine une émission entière au scandale du Watergate. On a parlé durant une émission entière aussi de la politique intérieure de Richard Nixon, du bilan respectable d'ailleurs de cette politique intérieure, si on fait abstraction, si c'est possible, du Watergate. Il reste que c'est en matière de politique extérieure qu'il s'est particulièrement illustré, Richard Nixon. Comment décrire en quelques mots ce qui marque, ce qui définit cette politique étrangère de Richard Nixon? Essentiellement, c'est la stratégie qu'on va appeler la diplomatie triangulaire, dans laquelle il va jouer la Chine contre l'URSS, l'URSS contre la Chine et toutes les deux contre le Nord-Vietnam. Donc, tout ça fait partie de son flair, de son génie géopolitique, en fait. Et il va consacrer beaucoup de temps à élaborer ces liens-là entre ces trois facettes de la géopolitique mondiale. Et avec pas mal de succès, il faut le dire. Ouais, puis c'est vrai que c'est brillant parce que c'est vraiment... Il y a quelque chose de malin, là, de stratégique, utiliser les tensions présentes, les inimitiés entre ces différents joueurs dans ce contexte de guerre froide pour arriver à ses propres fins. Ce qui est étrange aussi, ce qui peut étonner, c'est que, puis on y viendra plus tard, c'est que ce farouche anticommuniste sera l'artisan d'un rapprochement, en fait, avec cette Chine communiste de Mao et avec ce bloc soviétique communiste de l'époque aussi. Commençons par la Chine. C'est probablement ce rapprochement des États-Unis sur Richard Nixon avec cette Chine communiste de Mao qui reste son geste le plus éclatant en matière de politique étrangère. On a tous en tête, évidemment, son fameux voyage en Chine, voyage historique de 1972. Mais ça commence pas en 72, cette affaire-là. Ça se prépare par étapes. Ça commence quand, ce rapprochement de Nixon avec la Chine communiste? Ça commence très tôt, en fait. Ça commence durant la campagne présidentielle de 1968. Alors, dès cette campagne-là, il va écrire régulièrement des lettres au ministère des Affaires étrangères chinoises en disant « c'est dommage que la Chine soit isolée, un peuple si important, une culture si spectaculaire, un joueur aussi majeur, c'est dommage que cet isolement-là prive le monde, autrement dit, de vos idées et de votre participation. » Alors, il va commencer à amadouer. Il tisse sa toile avant même d'être élu président. Voilà. Donc, ouais. Il sait exactement où il s'en va avec ça. Pendant la campagne, par la suite, en 68, il va être en négociation avec les Soviétiques sur la question des armements stratégiques. Et là, c'est là qu'il va voir l'ouverture, en fait. Il va voir l'importance ou l'intérêt de laisser sous-entendre aux Soviétiques, ça se peut que je me rapproche avec la Chine. Et on sait que la Chine et l'URSS, depuis 56, se sont en friction ouverte. Donc, dès ce moment-là, dès les négociations sur les armes stratégiques, Nixon va saisir l'occasion pour lancer cette idée de ce rapprochement avec la Chine. Question de mettre de la pression, évidemment, sur l'URSS. Dans ses discours publics, il utilise le nom officiel de la Chine, justement par signe de respect. Et finalement, il va envoyer Kissinger, son conseiller à la sécurité nationale, secrètement en Chine en juillet 71 pour préparer un peu le terrain. Ouais. Parce qu'il y a cette ouverture des deux côtés. Il faut dire qu'on est à un point tournant en géopolitique mondiale aussi. Tout le monde commence à avoir un peu peur du développement nucléaire en particulier. Il y a beaucoup de joueurs qui ont le nucléaire à ce moment-là. Et chacun est prêt là, à faire quelques concessions pour éviter le pire. Et le grand coup, le coup de maître, évidemment, il arrive en 72. Visite officielle en Chine. Chuanlai, à l'aéroport de Pékin, accueille le président et Mme Nixon. Il faut bien comprendre que depuis 1949, c'est-à-dire depuis la prise du pouvoir par Mao Tse-tung, les États-Unis refusaient absolument de reconnaître la Chine communiste. Et ils avaient même empêché que la Chine de Mao occupe le siège de la Chine au Conseil de sécurité à l'ONU. C'était encore Formose, Taïwan, qui occupait le siège de la Chine. C'est une espèce de fiction incroyable, parce qu'il y a à peu près un humain sur trois qui vit en Chine. Précédent qui semble déjà si loin, M. et Mme Nixon font du tourisme en Chine. Et consécration suprême, le président rencontre Mao. C'est le 21 février 1972 que Richard Nixon débarque en Chine, Karine Prémont. On entendait dans cet extrait un compte-rendu de ce voyage du couple présidentiel en Chine. Vous entendiez aussi le commentaire de Georges Landlois sur cette visite historique à l'émission L'Histoire aujourd'hui, diffusée en 1996. Comment ça se déroule, cette visite de Richard Nixon, très concrètement, en Chine, en 72? Ça se déroule très bien, parce qu'il faut dire que tout est parfaitement orchestré par la Maison-Blanche, parce que Nixon le sait qu'il joue un grand coup qu'il va soit réussir à transformer la géopolitique mondiale, soit se casser la gueule dans ce voyage-là. Alors, tout est bien orchestré. On fait effectivement beaucoup de tourisme. On va à la Grande Muraille de Chine, on assiste à des pièces de théâtre et on se promène un peu partout en Chine. Et on s'arrange pour que ces événements spectaculaires-là, ou en tout cas ces grands lieux visités-là, soient diffusés dans les bulletins de nouvelles aux États-Unis. Donc, tout ça est bien organisé. Grosse couverture médiatique. C'est une grosse couverture, mais en même temps, c'est vrai que c'est historique. C'est la première fois qu'un président américain se rend en Chine. Ouais. La Chine est un pays à toute fin pratique inconnu des Américains à ce moment-là. C'est un régime qui est plutôt fermé. Donc, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Les images sont extraordinaires. Les gens découvrent, en fait, une culture, un peuple dont ils ne soupçonnaient à peu près pas l'existence, là, à toute fin pratique. Ouais. Donc, c'est très important que ce voyage-là, et ça va être bien diffusé aux États-Unis. Pourquoi c'est important? D'abord, comment c'est reçu par les Américains? Parce qu'encore une fois, on perd ça de vue, mais c'est un monde qu'on ne connaît pas. La Chine de Mao est presque pestiférée aux États-Unis depuis 1949. Et là, tout à coup, cette ouverture, un président qui débarque au pays de Mao, c'est reçu comment par les Américains? C'est reçu de façon très favorable. La cote de popularité de Nixon, notamment, va bondir d'à peu près 7-8 points en très peu de temps. Alors, c'est assez spectaculaire. Et en même temps, effectivement, ça a encore plus de poids parce que c'est Nixon, justement, parce que c'est un farouche anticommuniste. Ouais. C'est quelqu'un qui a ce discours-là depuis 20 ans à toute fin pratique. Et donc, de dire ce rapprochement est possible, ce rapprochement est nécessaire pour les intérêts de tout le monde, ça a beaucoup de crédibilité à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que c'est reçu favorablement. Et c'est une touche d'exotisme aussi, il faut bien le dire, à l'époque, qui va conquérir les Américains. Et puis c'est politiquement, encore une fois, très, très payant pour lui. Ça se traduit, entre autres, dans les sondages, vous l'avez dit. Nixon, donc, c'est quelqu'un qui est complexe, qui est intelligent en stratégie, particulièrement sur la politique étrangère. Donc, il travaille à cette ouverture avec la Chine. Il y a ce voyage en 72. Il y aura pas très longtemps après, un autre voyage qui sera historique, dont on a moins parlé, mais de Nixon au pays des Soviets, parce que c'est aussi donc Richard Nixon, l'homme du rapprochement des États-Unis avec l'URSS, il va ouvrir une nouvelle période, une nouvelle dynamique en pleine guerre froide qu'on va appeler la détente. Comment ça va se faire? Comment ça va s'exprimer, cette détente entre les États-Unis et l'URSS? Ça aussi, ça se fait progressivement. Et ça aussi, ça commence pendant la campagne électorale de 1968. Alors, un entourage de Nixon qui commence à courtiser les Soviétiques en pleine campagne électorale, on se croirait à l'ère Trump. Mais effectivement, Nixon va faire ça. Va commencer à tendre la main, à dire, écoutez, peut-être que ce serait nécessaire qu'on se parle. Peut-être qu'on a des choses à régler. Est-ce que vous êtes mûr pour discuter sur les armes? Et progressivement, on va en venir à des négociations importantes pour obtenir une réduction des armes stratégiques aux États-Unis. Parce que c'est beaucoup par là que ça va passer. Réduire cet arsenal militaire. Oui, c'est fondamental parce que là, il y a plusieurs pays qui ont l'arme nucléaire. Il y a plusieurs pays qui commencent à s'armer de toutes sortes de types d'armes et ça inquiète les États-Unis. Alors, on juge que pour notre propre sécurité, en fait, ça veut dire que nous aussi, il faut réduire nos armes. Mm-hmm. Mais c'est comme ça qu'on va convaincre les autres, par ailleurs, de le faire. Et donc, Nixon va profiter, comme on le disait tantôt, de ce voyage en Chine pour dire aux Soviétiques, ben vous voyez un peu, on a d'autres alternatives si jamais vous coopérez pas. Et pendant une période où ça stagne un peu dans les négociations concernant ces armes stratégiques-là, ben c'est là qu'on annonce officiellement voyage en Chine de Nixon et Brejnev va tout de suite lui dire, ben venez donc à la maison tant qu'à faire. Mmh. Et on va inviter Nixon à venir en URSS en mai 1972. C'est le joueur central. Je vous écoute, c'est fascinant, mais on revient au génie de cette stratégie. Il est l'homme au centre de l'échiquier. Il met ses pions en place, là. Ouais. Exactement. Il joue avec la Chine, avec l'URSS, l'un contre l'autre, mais c'est lui qui mène le jeu. Ben en tout cas, c'est l'impression qu'il donne et ça fonctionne bien. Ces premiers mois-là, ces premières années de diplomatie triangulaire fonctionnent très bien parce qu'il va en Chine, parce qu'il ouvre la Chine. Et la Chine, en termes économiques, par exemple, c'est pas très important à ce moment-là pour les États-Unis. Ça va le devenir plus tard, ouais. Mais c'était le coup de maître dont il avait besoin. C'est une espèce de coup de pub, autrement dit, mm-hmm. pour convaincre les Soviétiques d'adoucir leur position. Et ça, ça a bien fonctionné, ouais. Par ailleurs. On revient à ce qui reste à la fois un mystère, mais qui est probablement davantage un trait de génie du côté stratégique de Nixon. Comment cet homme, si farouchement anticommuniste, vous l'avez un peu évoqué, sera finalement celui du rapprochement avec le bloc communiste, la Chine et l'URSS, qu'est-ce qui l'amène surtout à sortir de ces considérations très idéologiques? Il se réveille la nuit pour les détester, les communistes. Comment cet homme-là peut, à un moment donné, se dire « je dois me rapprocher de ces gens-là ». On écoute le journaliste à Washington à l'époque, David Schönbrunn, à l'émission USA, 30 ans d'histoire, l'année et le triomphe de Richard Nixon, diffusé à la trentaine en septembre 1976. Nixon était un réaliste, aussi un peu lunatique, un homme très contradictoire. Mais Nixon a vu, avec l'aide de Kissinger, qui était son conseiller, que dans le monde nucléaire, il fallait trouver une coexistence avec les Russes et avec les Chinois. C'était nécessaire. Autrement, le monde serait complètement détruit. Et Nixon était tellement anticommuniste qu'il pouvait le proposer. Sans méfiance. Aucun Américain ne dirait à Nixon, comment, vous êtes un crypto-rouge, vous? Pas Nixon. Tout le monde, moi certainement, mais pas Richard Nixon. Pas question. C'est assez fascinant ce qu'on vient d'entendre. Il y a un côté stratégique, mais plus profondément, je ne veux pas faire la psychologie de Richard Nixon, mais quand même, ce côté pragmatique, Karine Prémont, fait que c'est pas rien. Venant d'où il vient, il va comprendre, il va accepter de mettre de côté ses convictions idéologiques profondes pour se rapprocher, parce qu'il sent qu'il faut qu'il le fasse, se rapprocher des Soviétiques et des Chinois. Il le fait, mais en même temps, il le fait de façon très pragmatique. On l'a entendu, c'est un réaliste, Richard Nixon. C'est aussi quelqu'un qui comprend parfaitement bien la géopolitique de son époque. Mais c'est quelqu'un aussi qui sait très bien qu'il peut profiter de cette situation-là pour renforcer la position américaine. On le fait pour nous, on le fait pas pour l'humanité. Il le fait pas à genoux non plus. Il le fait pas à genoux et il n'en est pas question, ouais. De le faire à genoux et ça, c'est bien clair. Et il profite justement de cette ouverture-là, ouverture qu'il perçoit comme de la faiblesse chez ses adversaires, évidemment, en disant « je vais vous jouer l'un contre l'autre, ouais. Parce que moi, ce que je veux, c'est le Vietnam. Moi, ce que je veux, c'est résoudre le Vietnam et j'ai besoin de vous pour ça. » Et si ça veut dire faire des concessions idéologiques, je suis prêt à le faire. Et on y revient justement, on boucle la boucle parce qu'on est parti sur cette émission, elle a commencé sur cette question du Vietnam. Je le disais d'entrée de jeu, Nixon, c'est le président qui va sortir les Américains du Vietnam. Et tout ce dont on vient de parler, au fond, il y a toujours pour Nixon, en bon politicien qu'il est, un objectif fondamental, régler la question vietnamienne. Mais il va fluctuer là-dessus. Évidemment, là encore, ce sera par étapes, ça... Hein, on aura un résultat au bout du compte, mais décrivez-nous cette courbe. Comment va évoluer cette politique de Nixon par rapport au Vietnam? Nixon a commencé par montrer son côté obscur, je vous dirais, avant de montrer le côté un peu plus pacifiste. Là. Et pacifiste, je le mets entre guillemets, parce qu'on verra bien que c'est pas si simple que ça chez Nixon. Il n'y a pas grand-chose de simple chez Nixon. Mais la résolution du conflit au Vietnam, c'est l'objectif ultime. Nixon s'est fait élire en 68 essentiellement parce qu'il a promis aux Américains de les sortir du bourbier vietnamien. Le problème, c'est que pendant la campagne de 68, il a consciemment saboté le processus de paix que Lyndon Johnson avait mis en place. Donc, avec Kissinger, qui travaille au sein de l'administration Johnson, il va obtenir des informations secrètes sur des négociations qui sont en cours et par le biais de connaissances qu'il a et qui sont proches du gouvernement sud-vietnamien, va réussir à convaincre les dirigeants sud-vietnamiens de ne pas participer à ces négociations-là en disant « Attendez-moi, j'aurai de meilleures solutions pour vous ». Pendant ce temps-là, des milliers d'Américains et de Vietnamiens vont mourir. Ça, c'est tout à fait incroyable. Et aujourd'hui, on serait pas loin de la trahison. Là, ouais. on serait dans un acte là, assez spectaculaire. Et c'est peut-être même plus grave que le Watergate là, en termes de machiavélisme. Nuire là, à des négociations pour des fins. Pour son fin. Propre profit. Voilà. Donc, et en fait, il va se faire prendre au jeu parce que sa stratégie de jouer la Chine contre l'URSS pour faire pression sur le Nord-Vietnam ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'il va mettre 4 ans, finalement, à sortir les États-Unis du Vietnam. Ouais. Donc, on est dans un paquet de contradictions parce qu'il va devoir résoudre une crise qu'il a lui-même contribué à aggraver, en fait, pendant la campagne électorale. Et au début, c'est la ligne plutôt dure. Il frappe fort au Vietnam. Il frappe fort et il frappe illégalement. Il va envahir illégalement le Cambodge en 70. Ça va créer des protestations monstres aux États-Unis. Il va permettre le bombardement illégal du Cambodge aussi en 71, qui va aggraver encore une fois le conflit parce que l'idée, c'est de couper les sources de ravitaillement des Nord-Vietnamiens. Donc, il va renforcer ces bombardements-là de façon extrêmement intensive. Il va jouer la théorie du madman, comme on dit, l'homme fou, l'homme irrationnel. Il va dire à Kissinger, fais-leur croire que je suis complètement fou, que je suis prêt à aller jusqu'au nucléaire pour leur mettre de la pression, mais ça ne fonctionnera pas. Mm-hmm. Alors, il va être coincé dans ses stratégies qui sont vouées à l'échec parce qu'il a, comme je le dis, il a lui-même contribué à miner la confiance ouais. aussi avec ce gouvernement sud-vietnamien. Et ça va l'amener, en 1972, à adopter cette stratégie de la vietnamisation qui est essentiellement de transférer la responsabilité du conflit aux troupes sud-vietnamiennes en disant « on va vous fournir de l'argent, on va vous aider à vous entraîner », mais essentiellement, là, nous, faut qu'on sorte de là. Ouais. Et ça va marcher. Ça va mener à l'annonce de cet accord de Paris en janvier 1973. I have asked for this radio and television time tonight. J'ai demandé ce temps d'antenne ce soir pour annoncer qu'aujourd'hui, nous avons conclu un accord qui met fin à la guerre et apporte la paix dans l'honneur avec le Vietnam et l'Asie du Sud-Est. And in Southeast Asia. The following statement is being issued at this moment in Washington and Hanoi. En ce moment même, la déclaration suivante est publiée à Washington et à Hanoi. Aujourd'hui, 23 janvier 1973, à 12h30, heure de Paris, l'accord mettant fin à la guerre et rétablissant la paix au Vietnam est signé par le Dr Henry Kissinger, au nom des États-Unis, et par le conseiller spécial Lee Doc Tho, au nom de la République démocratique du Vietnam. Cet accord sera officiellement signé par les parties ayant participé à la conférence de Paris le 27 janvier 1973 au Centre international des conférences de Paris. Le cessez-le-feu prendra effet à minuit, heure universelle, le 27 janvier 1973. The ceasefire will take effect at 2400 Greenwich Mean Time, January 27, 1973. En janvier 1973, Richard Nixon annonce donc aux Américains la fin des hostilités au Vietnam. L'accord de Paris va mettre fin à la guerre entre les États-Unis et le Vietnam, ce qui ne signifie pas pour autant, Karine Prémont, la nuance est importante, la fin de la guerre au Vietnam, loin de là. Commençons par les accords de Paris. Qu'est-ce qu'ils prévoient, ces accords-là? Ils prévoient essentiellement le retrait des troupes américaines. Ils prévoient également le retour des prisonniers de guerre américains et sud-vietnamiens, donc échange de prisonniers. Et ce que les Américains avaient fait inclure dans les accords de Paris, c'est le maintien du régime politique du Sud. Et c'est là où, en fait, on aura des problèmes plus tard. Kissinger, d'ailleurs, va recevoir le prix Nobel pour ces accords de paix-là. Et ça a fait scandale, évidemment, encore aujourd'hui. Ouais. C'est très controversé. Parce que les Américains, vous l'avez un petit peu évoqué, mais au fond, puis je le disais aussi, c'est cet accord de Paris, c'est la façon pour les Américains de se sortir du Vietnam, mais ils n'ont rien réglé et le Vietnam est toujours en guerre. Le Vietnam est toujours en guerre et finalement, le Nord va envahir le Sud et va transformer toute la péninsule en régime communiste. Ouais. Alors, échec sur toute la ligne. Et tout ça va profondément déranger Nixon. Ça avait déjà miné Johnson, par ailleurs, mais ça aura, un peu comme le Watergate, ça va peser beaucoup sur les épaules de l'administration Nixon. Et pendant l'année qui va suivre les accords de Paris, Nixon est tellement pris dans l'affaire du Watergate, parce que c'est en 73 que ça prend de l'ampleur, que ça sera impossible pour cette administration-là de soutenir le Sud-Vietnam comme elle l'avait promis. Ouais. Alors, le Sud-Vietnam sera laissé à lui-même. Les derniers Américains vont quitter dans la disgrâce en 1975 sous Ford. Et donc, c'est un constat d'échec incroyable. Bilan plus que mitigé sur la question du Vietnam par rapport à l'administration Nixon. Vous le dites, en 1973, il est pris, mais totalement pris par le scandale du Watergate, tant et si bien, puis ça, c'est assez fascinant, que quand la guerre du Kippour éclate en octobre 1973, il n'est plus là, Richard Nixon. Il n'est plus là. Psychologiquement, c'est un homme extrêmement troublé. C'est quelqu'un qui a toujours eu un problème avec l'alcool et qui, là, aura encore un problème plus grave. Et d'ailleurs, Kissinger, à un moment donné, va devoir répondre à un appel parce que c'est le premier ministre de la Grande-Bretagne qui téléphone, veut parler à Nixon, et Kissinger dit ben, il est complètement sous, il peut pas répondre au téléphone parce qu'on est en train de régler cette crise-là. Qui va gérer ça? Kissinger va gérer ça avec quatre autres conseillers du président. Il va gérer essentiellement les alertes nucléaires. Il va ordonner des déploiements de navires. Il va rapatrier des avions. Il va préparer la guerre, en fait, et la réponse américaine. Et je rappelle que ce sont des gens qui ne sont pas élus par la population et qui ont entre les mains un pouvoir incroyable. Mais Nixon va réussir, grâce à sa diplomatie de la navette, à calmer les tensions. Mais Nixon est complètement absent à ce moment-là. Zone d'ombre, tache noire au dossier de Nixon sur le plan de la politique extérieure. La question chilienne, le coup d'État contre Salvador Allende, ça c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique. Il va permettre à la CIA d'interférer, entre guillemets, avec ce qui se passe au Chili pour empêcher Salvador Allende, qui est démocratiquement élu. On va essayer de l'empêcher de prendre ses fonctions. Et ce qui va avoir un impact majeur sur la suite des choses, c'est la réduction substantielle de l'aide que les États-Unis vont accorder au Chili. On passe de 70 millions à 1 million de dollars. Alors, ça va contribuer à déstabiliser complètement ce régime-là. Mais ça se passe en septembre 73. Donc, Kippour, c'est octobre 73. On est dans cette période sombre de Nixon où ses décisions sont complètement erratiques. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière de l'émission. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Christian Côté et Philippe Couture, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.